Ouais, tu vois, t'es dans la rue, t'as pas de thunes, tes parents ils sont pauvres. Tu vois le mec là, il est en face de toi. Il a une belle BM, il a une belle casquette, il a un beau jogging. Et tu dis, mais pourquoi j'aurais pas moi tout ça aussi? Moi aussi j'aimerais bien avoir tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais? T'as pas d'études et tout? Ben, tu dis, va te faire foutre l'État, tu fais de la société parallèle, l'argent noir et tout ça. Ouais, j'ai passé 2 semaines dans une cité. Oh la galère. Non, c'était pas des cool vacances, mon frère. Mais là j'ai tout compris parce que la Tessie m'a appris la vie. Avant j'étais comme toi, je savais rien, petit. Mais j'ai passé 2 semaines dans la cité. Et je me suis fait taxer mon fils, mon cabus, mes Ray-Ban et mon gilet. J'ai eu le temps de méditer et de comprendre que pour vivre, faut avoir la rage de survivre. On va tout casser, on va occuper l'Elysée parce qu'on a rien à perdre. Ouais, mais rien à gagner. Prends, mais ta gueule, toi, t'as rien compris à la vie. Tu fais ton malin, c'est pas bien, sale facho, sale bourge. Tiens, avec toutes tes thunes, tu te crois mieux que nous. Alors, moi je te dis, nique tout, nique tout, nique tout. C'est un bon chien-chien, ça. Mais tu comprends pas, les jeunes ils se font chier dans les cités, c'est normal. Parce qu'ils ont rien glandé au lycée, y'a pas de mal. Ils ont rien d'autre à faire qu'à dealer pour qu'ils soient eux aussi bien sapés. Hé, qu'est-ce que t'écoutes là? Faire une idée pourquoi? Quoi, mais si va, mate-moi, c'est sale facho. Il écoute la techno, en plus il est pas beau. Hé, hey, pardon. Tu vois, si t'écoutes pas mon rap, engagé, t'es qu'un con. De toute façon, moi je suis là pour t'apprendre la vie, mon gars. Le rap, je veux dire le vrai rap, ça sert à ça. Ils m'ont mis des mots dans mon cerveau pour t'expliquer les problèmes et te rendre un petit peu moins blaireau. Je suis là pour t'expliquer ce qu'il faut faire quand la cité va craquer, ce qu'il faut faire quand les shots sont bouchés. Moi j'accuse, mais donne aussi la solution au problème. Ah bon, c'est quoi? Mais ta gueule, toi tu me fous la haine. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi j'habite juste à côté de la cité, maison dorée, beau quartier, mais c'est quand même à côté de la cité. Moi aussi je voudrais vivre bien, avoir des coups de frein, arrêter de travailler comme un godin, d'être une dedin. Ma thèse c'est la dèche, ma caisse une Mercedes, Ray-Ban sur la tête, c'est pas toujours la fête. À cause de l'état, je dois attendre chaque mois chez moi l'argent que l'état me doit. Pourquoi je pourrais pas être comme les autres et rigoler entre potes comme Jésus avec ses apôtres? J'ai rien à faire de la journée, j'irai dans le quartier, ça me fait chier, c'est pourquoi je me révolte. Je peux même pas frimer tranquille à cause de la société. Je peux même pas acheter sans qu'il me demande de payer. Si c'est moi qui avais le pouvoir, l'argent de ces avares, c'est clair que ça se passerait mieux pour moi. Je peux pas dire ce que j'ai à dire, c'est à dire que je peux pas dire ce que j'ai à dire. Admire la complexité de mes mots, tellement complexe qu'il te faut les chercher dans le dico. Avec hégémonie, je combats le manichéisme. Et celui qui se met sur ma route affronte mon érudisme. Je suis anticonstitutionnellement contre la société. Sur mon tracteur je combats les détracteurs diphasés à cause de tout ça. Tu sais quoi? Tous les problèmes, t'as vu la vie qu'on mène. Ouais, t'as une belle BM hein. Mais non, t'as rien compris à la vie, y'a plein de trucs que j'ai pas. Moi je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Ouais, t'as rien compris. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie. Moi je t'apprends la vie. Je m'en fous de ton avis. Moi je suis là pour t'expliquer la vie. Je t'apprends la vie.